Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette émission spéciale. Nous vous l'avons annoncé, notre invité pour cette émission spéciale ce matin, c'est Olga Givernet. Merci d'avoir pris du temps sur votre agenda extrêmement chargé. Bonjour. Olga Givernet, députée de notre troisième circonscription. À peine un an à la députation et en l'espace d'un an, que s'est-il passé dans cette troisième circonscription? Vous avez lancé, il y a assez peu de temps finalement, un vaste chantier, la consultation des élus, la consultation des habitants. Tout cela pour comprendre les problématiques de chacun, des territoires, de Ferney-Voltaire à Belley, 6 cantons, 70 communes seulement. Avec l'analyse et la synthèse de chaque thématique, allez-vous pouvoir très honnêtement et très sincèrement, Olga, apporter la réponse que les élus attendent, que la population attend aussi? En soi, la consultation citoyenne, franchement, c'est louable. Mais est-ce que c'est pas faire de la com pour faire de la com? C'est peut-être fait aussi, pour apaiser certaines tensions et faire passer l'idée qu'Emmanuel Macron est dans la bonne voie. Écoutez, excusez-moi, mais avec ce qui s'est passé cette semaine en France, les mouvements sociaux, la grande des fonctionnaires, on peut effectivement avoir quelques doutes. Alors, on va pas dans cette émission élargir la discussion sur un plan national. Nous, ce qui nous intéresse dans cette émission, en premier lieu, c'est la troisième circonscription. Guy Catelan, mon président et ami, est là pour vous accueillir et je voudrais saluer le réalisateur Michel. Merci d'être là. Voilà, Guy. Merci Robert, bonjour à toutes et à tous. Olga Givernet, bonjour. Monsieur bonjour. Le collaborateur également. Bienvenue dans nos studios pour la toute première fois. C'est votre premier bain à la radio, alors en fait. À notre radio, bien sûr. Vous êtes née, Olga Givernet, le 17 octobre 1981 à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Je retrace vite fait, c'est du très très vite fait. Vous êtes ingénieur aéronautique, député de la troisième circonscription, comme vient de le dire Robert, depuis le 21 juin 2017, c'est-à-dire même pas un an encore. Et là, je dois quand même avouer une chose, c'est que vous faites partie un petit peu de nos préférences. Parce que généralement, on n'invite jamais les gens au moins d'un an après leur élection. Jamais. On essaye de les laisser tranquilles un peu pour qu'ils s'habituent justement avec tous les dossiers, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, on vous fait une petite fleur, là. Merci. Adhérente au MoDem en mars 2014, vous avez été conseillère municipale à Saint-Genis-Pouilly sous le mandat d'Hubert Bertrand et de ce fait conseillère à la Comcom du Pays de Gex. On vous retrouve aux élections régionales Auvergne-Rhône-Alpes en quatrième position sur la liste de Jean-Jacques Kerran. Vous ralliez La République en marche d'Emmanuel Macron en 2016 et vous êtes investi en mai 2017 par le RM pour la députation de la troisième circonscription de l'Ain. Vous êtes élu au second tour avec 61,86% aux dépens de Stéphanie Pernaud-Baudon. À l'Assemblée nationale, vous siégez à la Commission des affaires étrangères et les comités d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Plus près de chez nous, vous avez lancé une consultation citoyenne, dont Robert vient de parler, au sein de la troisième circonscription pour identifier, par bassin de vie, les problématiques les plus importantes et sur lesquelles vous vous engagez à agir plus particulièrement. Nous sommes donc très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission pour vous permettre justement de donner un éclairage sur vos futures actions auprès des habitants de votre circonscription, qu'il faut bien l'avouer, est très vaste. La circonscription est vaste, oui, on est à 68 communes. J'ai dit 70, non, c'est 68. C'est 68, ouais. Et puis elle peut encore évoluer avec tous ces chantiers de fusion ou de communes nouvelles qui sont en route. Alors elle va évoluer vraisemblablement en se rétrécissant. En se rétrécissant, voilà. Mais en restant quand même le territoire dans lequel vous allez... Alors il y a une réforme de la Constitution pour redéfinir le nombre de parlementaires sur toute la France. Donc forcément, ça va changer le périmètre des circonscriptions. On attendra de voir quel sera le nouveau périmètre, mais ça risque de s'étendre. D'accord. On va se demander on se demande déjà depuis quelque temps comment est-ce que on gère une circonscription pareille qui part de Ferney-Voltaire jusqu'à Belley avec des territoires presque diamétralement opposés, hein. Oui, alors dans les besoins sur les territoires, on retrouve un peu les mêmes choses. Hein, les considérations des personnes, c'est le logement, le transport, l'éducation, l'accès aux soins. Après, dans les causes des problématiques, elles peuvent différer. Donc, il faut trouver des solutions qui sont appropriées. Mais de manière générale, on est dans les considérations normales des gens du secteur, avec une petite particularité de la proximité de la frontière. C'était tout simplement là. Je voulais attirer votre attention un petit peu là-dessus. On est quand même dans une région particulière. Oui, du fait de la frontière, justement. Vous êtes habitante du Pays de Gex. Le Pays de Gex, c'est un peu spécial quand même. Hein. C'est pas Belay, quoi. Alors non, c'est pas Belay. C'est vrai que c'est différent. Moi, j'y suis arrivée en 2007 sur le Pays de Gex pour travailler sur l'aéroport de Genève en tant qu'ingénieure aéronautique, comme on a pu le dire. Et c'est vrai que c'est un bassin de vie qui est très intéressant puisqu'il est à proximité d'un bassin d'emploi très très fort, avec une multiculturelle, des nationalités diverses et variées. Mais c'est vrai que c'est particulier. Ça a une forte croissance également, donc il faut pouvoir anticiper et apporter des réponses à toutes ces problématiques. Donc sur ma circonscription, il y a effectivement trois bassins bien identifiés, le Pays de Gex, le Pays Belgardien qui est central, et puis le Bugey Sud avec Belay. Et donc, il faut pouvoir répondre à ces questions. Donc, j'ai choisi pour moi de traiter ces bassins de manière différenciée, mais toujours en gardant une interaction entre tous ces bassins, puisque les habitants, bien évidemment, ne sont pas cantonnés à leur communauté de communes ou à leur commune. Donc, il faut pouvoir aussi voir la globalité et intégrer ce secteur dans le pôle métropolitain qui du Grand Genève qui est là aujourd'hui. Moi, je voudrais, Olga, si vous le permettez, permettez qu'on revienne à une année en arrière. Personne ne vous donnait gagnante sur cette élection face à Stéphanie Pernaud-Baudon. Personne ne vous donnait, j'allais dire, caution. Même un certain nombre d'élus du Pays belgardien croyaient dur comme fer à Stéphanie Pernaud-Baudon. C'est elle qui va passer. Et vous êtes passée. Phénomène Macron, tout simplement. Alors, je pense qu'il y a une combinaison de choses qui se sont faites. Moi, j'étais à la législative partielle il y a déjà une année. Mmh. Donc, ça m'a permis de commencer finalement à me faire connaître, à faire passer des idées qui finalement étaient ce que j'ai fait auprès d'Emmanuel Macron était complètement dans la continuité. Hein. Quand je me suis représentée en 2017, c'est vrai que j'ai ressorti mes documents de campagne l'année précédente et puis on était toujours dans la même veine. Donc je pense que l'électorat qui avait pu me suivre à cette législative partielle où j'ai fait 10%, même si je n'avais aucun soutien politique, ce qui est quand même un score qui est reconnu aujourd'hui comme étant bon sans parti politique, il a été transposable et les électeurs qui étaient déjà avec moi en 2016 ont pu me suivre de nouveau. C'était vraiment bien de pouvoir voir des personnes une année avant qui étaient là aux réunions publiques, étaient toujours là une année après avec un champ élargi de discussion au national et puis avec Emmanuel Macron. On va vous comparer à un match de rugby, c'est-à-dire que vous avez marqué un essai avec 10% et vous avez concrétisé avec 60% et des poussières. Donc c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est très bien pour vous. C'est très bien, je veux dire. Alors maintenant, il va falloir vous mettre en place. Continuer dans cette dynamique que vous avez mis en place justement pour essayer d'aller de l'avant et puis de faire que ce que la parole qu'apporte le gouvernement actuel, même si vous faites pas intégralement partie du gouvernement, mais vous êtes quand même une députée de la troisième circonscription, donc évidemment vous faites partie du lot. Donc aujourd'hui, comment vous voyez vos... Bon, on a des choses. Hein. Vous avez lancé cette consultation. Et aujourd'hui, comment vous voyez les choses, vous, par rapport aux retours qui vous ont été faits? Il y a quand même des retours qui sont intéressants. Oui, alors... Il y en a qui sont moins intéressants quand même, mais on en reparlera après. D'accord. C'est vrai que moi, l'aventure, je la considère commencer en 2016 avec ces législatives partielles, parce qu'à l'issue des législatives partielles, c'est là où je me suis réellement engagée dans le mouvement En Marche, en devenant référente du département pour En Marche, avec la responsabilité, la mission de structurer le mouvement sur le département. Mmh. Et puis après, bien évidemment, que cette organisation puisse porter la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Et donc, ça a vraiment été une continuité pour le fait des législatives qui se sont passées. Et bien évidemment, il y a eu la dynamique nationale qui a fortement joué. Et je suis ravie que ce soit moi qui ai pu l'incarner localement et de porter le programme. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une grosse responsabilité. Ouais. Nous avoir donné entre les mains finalement les rênes du pays pour mettre en place les réformes que nous souhaitons porter et que finalement, les Français ont choisi par le vote national qui a été fait, et puis le troisième tour, comme on l'appelle, des législatives, qui a confirmé le vote des présidentielles. Donc, dans cette dynamique, il y a le travail national que je peux faire, et il y a aussi tout le travail local, où j'ai choisi de rester au contact de la population, de la même manière que je l'ai fait pendant la campagne, pour avoir des échanges sur un programme national. J'ai continué je souhaite le continuer sur des problématiques plus locales, puisqu'après, moi, j'ai des outils pour aller soit au niveau national, soit au niveau des institutions, du département, de la région. Je suis conseillère régionale également, de pouvoir actionner et faciliter finalement la réalisation des projets. Dans les ateliers qui sont sortis, et plus particulièrement sur Bellegarde, le but était pour moi de pouvoir avoir un échange avec la population sur quelles étaient leurs priorités pour moi d'accompagner sur le secteur. Alors, j'ai bien redit à chaque fois que je ne fais pas les politiques territoriales, ce n'est pas moi qui vais décider. En revanche, je me mets au service des élus et de la population pour pouvoir les faire avancer quand il y a une volonté commune d'aller dans un sens. Et dans le bassin de vie du pays bellegardien, on a pu identifier deux problématiques. C'était l'accès aux soins, qui est toujours quelque chose de... C'est une vraie catastrophe, hein, c'est... l'accès aux soins. C'est une vraie catastrophe. On a, sur le secteur, même sur le pays de Gex, oui. On sait qu'on est, on est dépourvu aujourd'hui de praticiens, et ça devient difficile. Donc c'est de pouvoir faire porter auprès de l'ARS, qui est l'Agence régionale de la santé régionale, ces constats, et de pouvoir pousser aussi à avoir des réponses pour endiguer le problème, même si je sais qu'il ne va pas aller en s'arrangeant. Donc le but, c'est de ne pas prendre de retard. Alors ça sert à quoi de bosser sur un dossier comme ça, si vous savez que... Ça ne va pas avancer dans le bon sens. Ah, mais ça peut avancer dans le bon ça sens. Peut. Ça peut avancer dans le bon sens. Il y a un centre de soins qui s'est monté sur le Bellegarde. J'en discutais encore avec Régis Petit, le maire de Bellegarde, pour justement faire amener des praticiens et puis rééquilibrer l'ensemble des spécialités qui peuvent être proposées. Elle est aujourd'hui prise en charge par le Change, donc l'hôpital d'Annecy. Donc c'est de pouvoir créer ces liens avec des responsabilités partagées et de s'assurer finalement qu'on arrive à pallier déjà aux carences qui peut y avoir sur le secteur. Comment vous analysez le fait qu'un médecin généraliste ne veuille pas s'installer ici ? Ils partent à la retraite, il n'y a pas de remplacement. Alors c'est quoi ? Ils veulent plus bosser comme à l'ancienne, j'allais dire. Ils veulent être presque fonctionnaires. Ils veulent faire tant d'heures par jour, par semaine, et avoir le week-end tranquille. C'est ça Alors c'est une problématique nationale. On le retrouve sur tous les territoires, particulièrement par ici, entre Bellegarde et le pays de Gex, puisque le coût de la vie est aussi cher. Je pense qu'on a un peu du mal également à mettre en avant l'attractivité du territoire pour ces personnes-là, qui finalement ne bénéficient que d'un bassin de vie franco-français, alors qu'il pourrait être ouvert sur la Suisse. Et c'est pas la seule profession, hein, bien évidemment, où on a des difficultés dans l'enseignement. Il y a aussi des problématiques. Tous les agents territoriaux et fonctionnaires, c'est compliqué. Donc je pense qu'on a une problématique plus large où il faut pouvoir être plus attractif dans ce qui peut être proposé, en tout cas mieux le mettre en valeur. Et puis de mettre bien évidemment des structures adaptées à la façon dont ils travaillent aujourd'hui, hein, comme vous dites, les médecins sont plus attirés aujourd'hui par des grosses structures hospitalières où ils ont un réseau de médecins plutôt que d'être médecins isolés de famille comme ça a pu être par le passé. Est-ce que c'est pas aussi un problème ce problème médical en définitive? Est-ce que c'est pas un problème qui date de il y a quelques années, on va dire, hein, parce que ça vient pas de sortir, quoi, c'est pas sorti du chapeau aujourd'hui. Il y a un moment que c'est latent, tout ça, et d'un seul coup on s'aperçoit que effectivement on a ce problème, on a cette problématique, et on fait venir des médecins d'ailleurs. On fait venir des médecins qui quelquefois, bon, vous m'excuserez, mais ils sont pas adaptés à notre vie, quoi, à notre système de vie en tout cas, et à notre système médical. Alors, il y a quand même quelque chose qui va pas bien là-dedans, quoi. Je veux dire, pourquoi on laisse encore venir ces médecins alors que peut-être contrairement à ce que vous évoquez, moi je trouve que les comités, les com-com aujourd'hui, elles font un travail formidable au niveau de la communication, justement, pour essayer de faire venir. On offre même des locaux gratuitement pour que les gens puissent venir s'installer. Et ça ne prend pas. Il y a quand même un problème. Comment vous l'analysez, vous, ce problème ? Je pense que c'est un effort qu'il faut continuer de poursuivre. Et puis, oui, c'est compliqué d'aller chercher quelqu'un et puis de le forcer à venir, s'il a des opportunités autre part. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire pour les jeunes médecins. Dire, voilà, vous allez faire vos études, on vous paye le logement, etc. Mais vous êtes obligé d'aller là. Et c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. Ça se fait déjà dans la fonction publique au niveau de l'éducation nationale où ils sont attribués. Donc, c'est des pistes de réflexion. Par rapport aux besoins. Rapport aux besoins. Mais je sais qu'on a de toute manière sur tout le territoire aussi une carence de médecins. Sûr, donc il n'y a pas de concurrence qui se crée. S'il y avait un aspect peut-être un peu plus concurrentiel sur certains secteurs, à ce moment-là, peut-être que ça les forcerait plus à aller chercher une zone un peu plus désertifiée pour avoir la patientèle dont ils auraient besoin. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas parce qu'on a un numerus clausus qui est très, très, très, très contraint. Donc, travailler sur le numerus clausus pour, finalement, on libéralise un petit peu, hein, on créerait un aspect concurrentiel, ça pourrait également aider. Je pense qu'il va falloir... Il n'y aura pas une solution unique. Il va falloir travailler sur l'ensemble des points à toutes les échelles. Donc, on est au niveau local, comme peut le faire la communauté de communes, avec un contrat de territoire qui va donner des facilités d'installation à des praticiens. Puis, au niveau national également, pour libérer ce numerus clausus. Et puis, travailler sur l'attractivité, les conditions qui sont données et s'assurer que finalement les conditions, il y a un juste retour aussi, puisque quand on offre tout pour arriver et puis que finalement des fois on en voit partir côté Suisse, ça nous fait mal, on le sait, hein. Ils s'installent ici et puis tout d'un coup ils se mettent un peu à mi-temps, un pied en Suisse, un pied en France, et puis un jour ils disparaissent et puis on les voit plus. Donc on sait qu'il faut qu'ils puissent avoir aussi une rémunération qui soit à la hauteur du travail qu'ils font. La question rémunération est importante sur cette profession, mais sur toutes les autres de cette partie frontalière, puisqu'il y a toujours une tendance d'être attiré côté suisse. C'est encore vrai aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. On prend l'exemple, là, on parlait des médecins, des professions de santé. C'est vrai pour un plombier, pour un mécano, pour le salaire est autrement plus important. Mais c'est peut-être en train de changer côté suisse, non ? C'est pas en train d'évoluer ? Oui, parce qu'on a la question des quotas qui sont arrivés. Le marché du travail se referme avec... On parlait aussi de préférence nationale. Donc ça fait un petit peu peur. On sait qu'on a eu une vague aussi de personnes qui ont été licenciées, et particulièrement des Français ou des frontaliers. Donc on sait que de trouver du travail ne va peut-être pas être si simple que ça en Suisse. Et donc de ramener des personnes qui n'ont plus d'emploi en Suisse sur la France, il y a quand même une démarche psychologique à faire, de perdre un peu en niveau de vie également. Mais d'un autre côté, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Et c'est les discussions que je peux avoir avec le Pôle emploi, que je peux avoir avec les entreprises qui sont autour. Il y a d'autres entreprises qui sont performantes et qui arrivent. Alors, ils ont un turnover dans leurs employés, mais ils arrivent à fidéliser par justement les conditions de travail qui sont proposées et puis une amélioration de la rémunération quand ils peuvent le faire. Alors ça, c'est au niveau du privé. C'est sûr qu'au niveau du public ou de questions de profession libérale, il faut trouver cet attrait. Je parlais d'attractivité une fois encore, mais cet attrait de rester aux conditions françaises en France pour travailler. Et il y a un sacré problème quand même. Alors là, on est dans le bassin belgardien, mais dans le pays de Gex, il y a quand même un sacré problème avec les fonctionnaires, avec les facteurs, avec les... Il y a un niveau de vie qui est insupportable, des logements qui sont hors de prix. Alors les instits, ça tourne, hein, tourne. Les facteurs, ils y vont 2 semaines, et ils vont pas habiter là-bas parce que les loyers sont énormes. Il n'y a pas quelque chose à faire, Olga. Et on sait d'autant plus que les personnes qui viennent travailler dans le pays de Gex, en général, logent sur le pays belgardien. Ah oui. En plus, et puis qui s'éloignent de plus en plus. Donc on sait que c'est interconnecté. Hein, ces deux bassins sont fortement interconnectés. Il y a également des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour justement libérer le logement, faire en sorte qu'il puisse y avoir un accès au logement social plus plus facile, mais c'est une vigilance accrue chaque année, constamment, de s'assurer justement qu'il y ait en faveur de ces publics un effort de fait. Alors ce qui se passe, est-ce que Bellegarde ne devient pas ou n'est déjà pas une ville dortoir à cause de ces phénomènes, hein, Oui, alors... On l'entend, je sais que ça ne fait pas plaisir au maire. Hein. Non, mais je ne le ressens pas forcément comme ça. En tout cas, depuis que je suis arrivée sur le secteur en 2007, j'ai vu Bellegarde évoluer de manière très, très positive, avec un gros chantier sur la ville au niveau urbanisme, au niveau des services qui sont proposés, avec une volonté d'évoluer, même de se regrouper. Hein. On peut parler de la commune nouvelle également qui est en train de se faire. Donc je pense que ça va réellement dans le bon sens. Je pense que Bellegarde, finalement, ne devrait pas être qu'une annexe du pays de Gex par rapport aux frontaliers, mais s'émanciper, finalement, en étant son propre bassin de vie. On sait que Bellegarde a une gare qui permet et d'aller sur Genève et de raccorder, finalement, Lyon, Paris facilement. Donc, moi, je crois réellement en ce secteur qui est finalement à la croisée des chemins, à la croisée des départements, les Deux-Savoie et de l'Ain, avec beaucoup de potentiel. Moi, je crois que, en définitive, on ne peut pas critiquer la municipalité bellegardienne, en tout cas, des moyens qu'elle met en place. Alors après, on peut être pour ou contre la municipalité, le problème, il n'est pas là. Mais on est bien obligé, à un moment donné, de reconnaître que bien des choses sont mises en œuvre, justement, pour essayer de faire à ce que l'habitant de Bellegarde puisse avoir une vie, j'allais dire, normale. Le problème que moi, je ressens, en tout cas, c'est que, effectivement, ce grand bassin genevois, dont on nous parle tous les jours, et où je suis un petit peu sceptique, pardonnez-moi, j'ai l'impression que Genève prend tout ce qui est bon à la France. Et elle nous laisse un petit peu les miettes derrière. Alors, quelque part, moi, je suis un peu frustré, quoi. Je me dis que voilà une ville de Bellegarde où on paye des impôts plein pot, on va dire, pour recevoir tout le monde, sans restriction. Mais ce sont les habitants de Bellegarde qui paient. Donc, à un moment donné, il y a une injustice. Pourquoi Genève n'intervient pas ? Alors, vous allez me dire, il y a la compensation genevoise qui est là. Bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais ça ne fait pas tout. Parce que derrière, on a qui ? On a des Suisses qui habitent en France et qui ne payent pas trop hein, non plus. Hein. On a des sujets comme ça sur les faux résidents, comme on peut les appeler. Voilà. Et où on sait, la compensation genevoise est calculée au nombre de frontaliers et que s'ils ne se déclarent pas en tant que tels et se déclarent en résidence secondaire, à ce moment-là, on n'arrive pas à les identifier et donc on ne peut pas aller récupérer la compensation genevoise. On sait qu'il y a cette problématique. Alors que pour certains, ils bénéficient du service public, ils mettent leurs enfants dans les écoles. Donc on sait qu'il y a une problématique. Elle est surtout le bassin genevois. Concernant finalement le poids politique, parce que c'est un peu ça hein, qui est question, c'est quel est le poids de notre secteur dans l'Ain vis-à-vis de la Suisse ? Quel est le poids de notre secteur dans l'Ain dans un pôle métropolitain avec la Haute-Savoie qui est aussi un secteur très fort hein, et qui nous tourne bien face à la Suisse ? Et quel est notre poids de ce secteur genevois, France, franco-suisse vis-à-vis des institutions nationale et fédérale de chaque côté de la frontière. Et pour ça, je pense qu'il y a réellement un besoin de se fortifier côté de l'Ain, vis-à-vis de nos voisins et amis aux Savoyards et vis-à-vis de la Suisse pour revendiquer finalement que nous avons aujourd'hui une zone qui se densifie, qui s'urbanise, qui va bien évidemment pouvoir proposer du service, mais à côté aussi peut avoir des problématiques urbaines qui se développent avec un besoin peut-être de restructurer les services de sécurité qui sont aujourd'hui en place et tout ça va très vite et tout ça va tellement vite qu'on a peut-être pris des fois 10 ans de retard sur les décisions qui étaient à prendre et donc c'est toujours compliqué de récupérer mais moi je suis très confiante sur la place que prend aujourd'hui le pays bellegardien dans ces structures là dans ce schéma là et je souhaite pouvoir travailler avec les élus locaux main dans la main pour justement faire valoir toutes les bonnes choses que nous avons à faire valoir et récupérer aussi en retour ce qu'on a pu semer. Olia, est-ce que la compensation genevoise n'a pas une sorte d'épée Damoclès au-dessus de la tête ? Régis, je sais que pour l'avoir entendu il n'y a pas très longtemps, faut pas trop en parler, faut pas trop brasser, parce que l'État voudrait bien la récupérer. Deux fois, ça a été évoqué, ça, cette compensation, qui est énorme, en fait. C'est évoqué, oui. On est sur le seul secteur, finalement, vis-à-vis de la Suisse, où les rétributions se font localement. Oui. Alors que dans les autres cantons, finalement, l'impôt est payé en France, et puis après, les accords se font dans l'autre sens. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une légende urbaine, cette question que ça reparte au national, parce qu'au national, on m'en a jamais parlé pour l'instant. Tant mieux. Il faut pouvoir l'utiliser correctement, parce que je pense que le jour où l'État va se rendre compte qu'il y a des problèmes, on n'arrive pas à s'entendre, on n'est plus d'accord, et il va commencer à se poser la question. Et je dis toujours, si on fait un peu trop d'émulsion, bah forcément l'État va regarder, va venir, et puis il va trancher. Il fait même de la mousse qui commence à déborder des baignoires. Je veux dire, voilà, c'est. Alors, oui, bien sûr, il y a toujours ça, mais justement, moi, je crois qu'il faut plutôt en parler et puis d'essayer de trouver effectivement la solution. Encore une fois, moi, écoutez, dans ma vie professionnelle, j'ai vu passer des gens dans ma boîte, dans une imprimerie, pour ne pas la citer, la SADAC, pour ne pas le dire. On a formé des gens, pas possible. Qui, une fois qu'ils ont acquis tous les tenants et les aboutissants du métier, pouf, ils sont vite partis là-bas. Oui. Parce que, bien sûr, oui, bien sûr, ils gagnaient à l'époque 8000 francs ici, ils en gagnaient 16, 17, 18 000 là-bas. Donc, effectivement, il n'y avait pas photo. Et ça continue. Il n'y a rien qui est fait. Quoi. Je veux dire, c'est toujours la même problématique, elle est là. Oui, alors on ne va pas refaire des murs pour pas que les gens passent. Hein, voilà, il faut les. Mais ça continue, je veux dire. Ça continue et je pense que ça continuera. Et je ne suis pas sûre qu'il faut le voir comme un réel problème si on arrive un peu à stabiliser et à avoir un peu de pérennité dans le temps. Donc, comme je disais, si les gens restent 3 mois et puis s'en vont, bon, bah, c'est sûr qu'en termes d'investissement pour une entreprise, ça fait lourd. C'est lourd, hein, si aujourd'hui, on sait que de toute manière, on ne fait plus 40 ans dans la même entreprise, il y a un turnover pour ma part. Moi, j'ai fait 3 ans, le plus que j'ai fait, c'est peut-être 4 ans dans une entreprise. Sur mes plus de 10 ans d'expérience, voilà, j'ai fait quand même 3 entreprises, que ce soit ici ou à l'international. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément en avoir peur. En revanche, bah, il faut faire un ratio qui soit cohérent pour l'entreprise. Si on embauche quelqu'un qui a des compétences qu'on va former aussi, quel est le temps nécessaire et voilà, on peut en discuter avec la personne, et puis de s'assurer aussi. Ça assure également un renouvellement qui permet d'enrichir aussi l'entreprise. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément s'accrocher, mais il faut trouver un équilibre qui reste juste pour l'entreprise, avec une stabilité des équipes. Le problème n'est-il pas le fait que la France, finalement, elle ne peut pas offrir grand-chose au niveau de l'emploi aussi ? En tout cas, dans notre bassin de vie, hein, je parle. Hein. Si les gens... Pardon. Si on évoquait il y a quelques instants le problème médical. Je connais plein d'infirmières qui sont en Suisse. Qui ont été formées ici. Et c'est le type de discussion qu'il faut avoir avec les instances suisses également. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement BA, mais on leur dit, voilà, aujourd'hui, si vous n'aviez pas la compétence exactement, qu'on peut vous offrir, vous ne pourriez pas faire tourner comme c'est aujourd'hui. On sait qu'ils sont très bons hein, quand ils vont faire de la surface constructible. Ils vont faire la moitié pour l'économie, la moitié pour l'habitat. C'est pas le ratio qu'il faudrait. Ça, hein. Donc on sait qu'au niveau logement aujourd'hui, les Suisses ne sont pas capables de loger toute leur population. Alors il y en a qui disaient également qu'un pays qui ne peut pas loger ses enfants est un pays malade. Donc ça permet aussi de se remettre un peu en question. Pour moi aujourd'hui, la Suisse, comme elle est au milieu de l'Europe, je dis souvent, c'est un peu l'enfant pas vacciné au milieu des enfants vaccinés. C'est-à-dire que tout le monde a pris ses responsabilités. Ils sont protégés par ça. le jour où plus personne prend ses responsabilités, et voilà, ils seront bien obligés aussi de le faire. Bon, ça fonctionne comme ça. On ne peut pas renier le bassin d'emploi que ça offre aujourd'hui en France. Ben c'est quand même compliqué. Au niveau national, on essaye de relancer, mais c'est vrai que ici et même dans le département de l'Ain, on est très bon sur le taux d'emploi. Donc il faut faire avec les désagréments qu'il y a sans renier tous les avantages et les succès qu'on peut avoir. D'accord avec vous sur le problème, sur cette problématique. Le bassin d'emploi dans le département de l'Ain, c'est le meilleur de France, exact. Sauf que, j'allais dire, les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Ils sont différents, oui. Ils sont bien différents parfois. Hein. D'ailleurs, d'un bassin de vie, par exemple, comme quand on habite dans le Pays d'Aix, où il y a plein de fonctionnaires qui travaillent en Suisse, où la vie... D'ailleurs, vous l'évoquez il y a quelques instants, au niveau des professions, les enseignants, les choses comme ça, qui font qu'ils ont du mal à se loger, parce que quand ils ont un salaire de temps, on va dire, on peut évoquer les salaires... Encore que là aussi, c'est un long discours. Mais je veux dire, ils ont des problèmes au niveau du logement, justement, parce que bah, ils n'arrivent pas à tourner, parce que le salaire étant ce qu'il est, vous enlevez la moitié du salaire pour un logement, ça ne peut pas fonctionner. Quoi. On le sait bien, et sur le pays bergardien, voilà. c'est la même chose, puisque les prix augmentent aussi. Donc on est sur la même problématique, avec un petit peu peut-être de retard par rapport au pays d'Aix, mais on est sur les mêmes sujets. Et puis c'est vrai que le département derrière, de l'Ain et encore, oui. a encore d'autres problématiques. Sur le département de l'Ain, c'est vrai qu'il est particulier puisque finalement, il a l'extérieur du département est tourné vers l'extérieur. Donc par ici, on est tourné vers Genève. Oui. Vers le sud, on est tourné vers Chambéry. Et puis c'est après, juste. Vers l'Ain. Et puis après, vers Mâcon. Donc finalement, on n'a pas un centre comme que pourrait être Bourg-en-Bresse qui a ce pôle d'attractivité. Donc chacun est finalement dépendant. De l'autre côté de la frontière de son département. Ici, c'est un autre pays. Alors en plus, ça complexifie. Pour d'autres secteurs, c'est un autre département, mais c'est pas forcément plus simple non plus. Donc oui, il y a cette particularité qui est à faire sur le département. Et c'est pour ça que je dis aussi le jour où on voudra reconsidérer les frontières, si elles sont reconsidérées. Mais je pense que c'est pas tout de suite pour le département de l'Ain. Hein. Il y en a qui évoquent le fait qu'on veut on veuille enlever le département. C'est pas le cas pour le département de l'Ain, puisque il y a pas d'autres institutions qui pourraient se superposer. Ce qu'on fait en général, c'est quand il y a une métropole qui finalement pourrait avoir le même périmètre qu'un département. À ce moment-là, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, il y a pas de structure qui vient se superposer, donc c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais il faut prendre en compte ces différences de territoire qui ne sont pas souvent pas bien compris de la part de Bourg-en-Bresse. Ou même de la région. Mais on n'est pas dans le même pays, hein. Enfin, dans le pays d'Aix. On est le trou du cul, nous. Oui, façon de parler, mais c'est vrai que... Pardon pour le vilain mot. Non, mais je vais rebondir quand même sur la remarque. C'est vrai que quand on a eu... Alors moi, j'ai une petite anecdote comme ça, où quand je suis arrivée sur le secteur, bon, je me suis installée, j'ai voulu faire un peu de sport, du badminton, j'ai trouvé un club de badminton, j'ai rencontré une autre jeune dame qui arrivait aussi. Donc on échange un peu. Alors moi, j'étais là, bon, j'ai trouvé du travail en Suisse, j'étais contente, on est dans un secteur bien. Et puis elle, c'était complètement le contraire. Elle me dit, c'est l'horreur, c'est la dépression, c'est un trou, il n'y a rien à faire ici. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte de la différence qu'il pouvait y avoir entre les personnes qui sont affectées ici, qui travaillent en France et qui, finalement, ne voient pas l'intérêt de l'agglomération qui peut être à côté d'eux, et les personnes qui sont, finalement, frontalières, qui ont cette habitude de passer la frontière et qui, du coup, bénéficient d'un champ des possibilités aussi bien plus large en termes de loisirs, de divertissement, de balades, de tout. Et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte pour le pays d'Aix, bien évidemment, mais pour le pays belgardien aussi, parce que c'est exactement la même chose. Alors, le pays belgardien a cet avantage d'être bien mieux raccordé. Il y a l'autoroute qui est à proximité et la gare qui est à proximité. C'est bien moins enclavé. Donc, je pense qu'on a un peu l'impression d'avoir plus d'air que ce qui pourrait va se passer au niveau du pays de Gex pour les gens qui ne s'ouvrent pas vers la Suisse. Et donc, je pense en ça que c'est une force. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il devient aussi plus attractif si, après, les moyens de raccordement à côté Genève sont bien à la hauteur. Et dans les demandes que j'ai pu avoir, j'ai des jeunes qui me demandent d'avoir un meilleur raccordement et plus tard en soirée, notamment le week-end, pour pouvoir aller sur Genève et sortir. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut pouvoir se développer et donner de l'attractivité pour une population qui s'élargit. Mais là il faudra, pardon Robert, là, il faudra développer l'accès. Ah ben voilà, c'était l'objet de ma question. Alors l'accès. Olga, vous prenez souvent le TGV à Bellegarde pour aller à Paris? Alors je le prends pour aller à Paris. Ouais. À quelle heure vous prenez votre voiture pour aller jusqu'à la gare? À quelle heure je prends? Ah bah oui, alors... À quelle heure vous moi, partez de chez vous, donc? J'habite à Saint-Genis-Pouilly, donc j'ai une demi-heure de route pour aller jusqu'à la gare. Ouais. Voilà, j'arrive à poser ma voiture sur le parking. D'accord. Moi, ce qui m'intéressait, c'était... Pourquoi je dis l'heure? Parce que selon les heures... Les bouchons dans le Pays de Gex, entre Bellegarde et le Pays de Gex, c'est une catastrophe. Oui. Alors, des solutions, le département de l'Ain en a évoqué, puis ça fait des années et des années, 5, 6, 7 solutions, aucune ne sort du chapeau, et parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faut mettre des millions sur la table. Et il y a une solution, il y a quelque chose. Nous, on a toujours posé la question aux députés qui se sont succédés à ce micro. Moi, j'ai une solution, tiens. Alors, allez-y, dites-moi. J'ai une solution que je vous propose tout de suite, c'est un off. Personne n'entend. Non, personne n'entend. On reste entre nous. Donc on est tranquille. Hein. Personne ne va intervenir là-dessus. Pourquoi ne pas faire payer aussi les Suisses par rapport à ça? Ah, parce que je pense pas que ce soit une question première de financement. Je pense pas que ce soit un premier financement. Parce que déjà, si on tombait d'accord sur une solution, après, on pourrait se poser la question de comment on va financer. Mais aujourd'hui, on n'est même pas réussi à tomber d'accord sur une proposition. Non, mais justement, on trouve pas d'accord parce qu'effectivement, on sait pas qui c'est qui va financer cette histoire-là. Mais pourquoi on demanderait pas d'abord aux Suisses savoir s'ils veulent participer au truc, déjà? Non, je pense qu'il faut qu'on puisse s'entendre aujourd'hui sur nos besoins à nous. Mais on ça va fait pas 40 demander... ans. Ah oui. Ça fait 40 ans. Au moins. Mais excusez-moi, ouais. Oui, ça fait 40 ans. Je sais bien. J'entends encore Gérard Armand qui voulait faire un tunnel sous le VUH. Oui, ça a été évoqué. Mais... Non, alors je vais vous dire parce que j'ai été pris. Alors moi, il y a les jours où ça a été tout bloqué là avec la neige, tout ça. Ouais. Je devais partir sur Lyon. J'avais mes rendez-vous à Lyon. Je prends ma voiture. Je mets 3 quarts d'heure pour aller à l'autoroute. C'est 10 minutes de plus que ce que j'avais. Oui. Il commençait déjà à neiger, mais ça, voilà, j'arrive à l'autoroute. J'étais déjà bien contente. C'est bon. Et là, l'autoroute en croix, fini. Ouais, ouais, ouais. Je reste devant, il était 9h, je me dis j'attends jusqu'à 10h, il y avait toutes les voitures qui s'arrêtaient, et puis là je voyais toutes les autres voitures et camions qui faisaient sortir de l'autoroute parce qu'ils ne voulaient pas les garder sur l'autoroute. Et à 10h, je me suis bien rendu compte qu'ils n'allaient pas du tout rouvrir, donc j'ai fait demi-tour, j'ai mis 4h30 pour rentrer chez moi. Alors j'ai eu le temps de passer tous mes coups de fil, heureusement qu'on est connecté maintenant et que ça capte plutôt pas mal à Bellegarde, donc j'ai pu travailler comme ça de mon bureau dans ma voiture. Mais c'est un vrai souci parce que il y a le jour où la route est coupée, que Bellegarde ne peut plus absorber justement le trafic, il y a derrière tout un bassin de vie et puis qui n'est plus alimenté, les personnes ne pourront plus aller travailler. Enfin oui, donc c'est un gros problème. On en a encore discuté ce matin en prenant le café, puisque je suis passée à la mairie de Bellegarde pour prendre le café, et il faut trouver une solution. Alors déjà, il va falloir s'adresser aux compagnies d'autoroutes qui comme ça se permettent tout d'un coup de fermer l'autoroute et de décharger sur les communes qui n'ont pas la capacité du tout de gérer c'est pas la police municipale qui va réussir à gérer tout ça. Les camions qui sont en travers sur l'autoroute et qui sont en travers dans la ville, surtout en plus avec le dénivelé, je trouve ça beaucoup plus dangereux. Donc là, pour ma part, je suis vraiment pas satisfaite de ce qui s'est passé sur ces deux jours-là avec les compagnies d'autoroute. D'ailleurs, sur d'autres sujets, j'ai déjà adressé des courriers au préfet concernant le fait qu'il ferme des voies pour travaux. Et je pense qu'on va se consulter sur ce sujet-là. Ça va faire déjà une base de travail en disant voilà le constat des problématiques qu'on a. On a si la route est coupée pour X raisons, et ben on est complètement coupé du monde à ce niveau-là, avec une difficulté de gérer. On sait également que la route n'est pas sécurisée hein, pour réaccéder au pays belgardien. La question d'un tunnel sous le credo, enfin, on était, c'est, je pense que c'est hors propos. Il y a plus de, enfin, il y a plus de sujet à ce niveau-là. En revanche, d'aller travailler avec les compagnies d'autoroutes pour un raccordement qui pourrait au moins délester le pays belgardien qui devient surchargé de camions, des artisans qui font des transits pour aller dans le pays de Gex, parce que une fois encore, il y a du travail et c'est dynamique. Il faut pouvoir trouver des solutions, et je pense que c'est plutôt en s'adressant aux compagnies d'autoroute, en ayant une mobilisation au niveau des élus, une évaluation d'une solution qui est viable, avec derrière bien évidemment un budget. Et à ce moment-là, on pourra après aller voir les Suisses pour leur dire, bon bah voilà, et voici aussi quels sont les avantages pour vous d'avoir finalement une espèce de continuité qui se ferait jusqu'au raccordement de la 2x2 voies côté Pays de Gex. Ça ferait une espèce de périphérique, ça déchargerait Bellegarde, et on pourrait travailler tous ensemble comme ça. Mais je vais faire un parallèle avec le projet d'agglomération qui n'a pas été financé par la Suisse. Vous avez peut-être suivi ces questions-là au niveau des projets français dont les budgets ont été coupés, mais les projets Genevois, ils attendent d'avoir quand même du concret, quoi, de savoir bon bah qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qui c'est qui va, quels sont les premiers porteurs de projets, est-ce que si les porteurs de projets sont prêts à s'engager financièrement, derrière c'est beaucoup plus facile de pouvoir aller demander aux Suisses d'abonder. Mais si on n'est pas capable aujourd'hui, nous, d'avoir cette évaluation, de dire ok, on a identifié que ce projet-là est le plus à même de répondre aux besoins de la population, et ben ce sera difficile, on n'aura pas d'arguments pour aller négocier. Donc vraiment, moi, le but, c'est discuter des problématiques récentes, parce qu'il faut toujours utiliser une actualité pour pouvoir rebondir et refaire valoir un projet, et mettre les bonnes personnes autour de la table, ressortir peut-être les idées qui ont été émises, écarter celles qui finalement ne sont plus dans l'air du temps, ou adaptées aux besoins, parce que les besoins en 30 ans, ils ont changé énormément, et de pouvoir s'arrêter tous ensemble et d'avoir la même volonté d'aller dans le même sens. Et ça, c'est ça qui est le plus difficile. Olga, ça va prendre combien de temps encore, ça ? Ah, alors si on tombait tous d'accord demain, ça prendrait 15 ans. Ah, quand même. Ouais. Non, mais bon, je pense que mourir, ça va. Non, mais c'est des sujets au long cours. Mais il faut un point de départ. Et tant qu'on n'a pas eu le point de départ et un go, c'est bon, on y va. Et ben du coup, on n'aura pas de point d'arrivée forcément. Alors c'est à qui de taper du poing sur la table ? C'est à la députée ? C'est dommage. Hein. Alors moi, c'est dommage, là, vous me décevez énormément. C'est vrai. Ah oui, là, c'est pas. en tout cas, moi, comme je le disais, ça faisait partie des priorités qui ont été identifiées dans les ateliers, dans le retour des élus, puisque dans ma construction des ateliers, j'ai fait d'abord une première consultation des élus, qui m'a permis aussi d'alimenter au niveau des ateliers ce qui était fait. Alors, on a eu de la chance, c'est que finalement les idées concordaient, c'est-à-dire que ce qu'avaient identifié les élus, c'est ce que les habitants pouvaient avoir aussi en tête. Et puis ces ateliers aussi, je reviens simplement sur l'organisation, a permis de mettre des gens autour de la table qui finalement, au lieu de râler tout seul chez eux, bah, ont pu se confronter les uns aux autres en voyant que c'était pas forcément si facile de prendre des décisions, de tomber d'accord, de trouver un compromis, parce que tout le monde a un point de vue différent, et d'échanger comme ça les points de vue. Mais à l'issue de ça, moi, je prends le sujet. Chaque année, hein, je vais relancer ces consultations. Donc, ça me permettra de réévaluer les sujets. Il y a des sujets qui vont se faire sur plusieurs années, on le voit bien. Mais au moins, je pourrais déjà la prochaine fois faire un état des lieux en disant voilà qui j'ai rencontré, voilà l'état des conversations, voilà comment ça s'organise. Et si on a comme ça aussi le soutien de la population, ça permet de porter plus facilement les projets. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un petit défaut côté de l'un pour avoir une cohésion derrière les projets. Ça arrivait puisqu'on a réussi à avoir le village de Marc. Ça, c'était une volonté des élus et qui ont supporté le projet. Et puis d'avoir la confiance des habitants dans les décisions qui sont prises. En termes de transport, c'est sans compter, j'ai trouvé ce papier dans le journal confrère du Progrès, la mobilisation des habitants de Vézenien contre le projet de la deux fois deux voies. Il y a des gens qui s'opposent à certaines choses. Voilà. Bon. Bah, je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais bon, alors voilà. Non, je n'ai pas pris connaissance de ce... c'est la prolongation de la deux fois deux voies qui passerait par... qui passe par Vézenien. C'est Préfet-Saint-Ouen. Voilà. Ouais. Et oui, après, il y a forcément cette question de pouvoir avoir une continuité tout autour du bassin Genevois et qui pourrait passer par le Pays d'Aix. Après, il faut pouvoir voir aussi si on ne peut pas en tirer un avantage, nous, d'avoir cette circulation qui se fait et qui va alimenter nos commerces ou centres commerciaux, villages de marque, voilà, et faire valoir aussi l'attrait touristique que chacun essaye de mettre en valeur. Dans le pays belgardien, quand je dis dans le pays, ça concerne vraiment toutes les communes du pays belgardien, il y a la problématique des gens du voyage. C'est un énorme souci. Actuellement pour le maire de Bellegarde, mais depuis des années, pour certains maires d'autres petites communes, comme Ville, comme Châtillon, où il paraît que ça avance, mais alors ça avance pas vite. Hein. Non, c'est des sujets qui sont compliqués. Et c'est la CCPB qui est en charge, normalement, les gens du voyage. Oui, ils ont la compétence des gens du voyage. Alors, on a tout ce secteur-ci hein, qui est très attractif pour les gens du voyage, pour le coup. Et là, pour le coup, on voudrait peut-être qu'ils soient un peu moins attractifs, en tout cas, parce qu'on n'a pas la capacité d'accueillir l'ensemble des personnes. Donc, il y a des aires qui sont dédiées. Qu'ils ne veulent pas toujours, d'ailleurs. Qu'ils ne veulent pas toujours, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des tensions entre les différentes communautés. Donc, c'est très compliqué. Non, aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est en route, ou une proposition de loi. Alors là, pour le coup, c'est les sénateurs de Haute-Savoie qui se sont emparés du sujet. Et pour, justement, de donner plus de pouvoir local pour gérer les situations et avoir des sanctions pour... mais c'est un sujet qui est général et qui est très connu du ministère de l'Intérieur, puisqu'on l'a nous-mêmes... moi, je l'ai adressé en travers d'une question écrite. On a plusieurs dispositifs qui nous permettent de nous adresser. Alors, il y a la voie un peu officieuse, puisqu'on rencontre régulièrement les ministres, les cabinets pour discuter des sujets, et puis les voies officielles au travers des questions écrites, questions orales, les questions d'actualité, pour avoir un positionnement plus clair du gouvernement sur les sujets. Et pour le moment, on n'en sait pas plus. Par rapport au gouvernement, justement, on ne sait pas trop de quel côté ils vont pencher la balance, quelles seront les propositions qu'ils vont faire. Alors, ils sont dans l'aspect positif par rapport à ce qui est proposé, c'est-à-dire que la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, du ministre d'État, donc Jacqueline Gourault, a elle-même participé à des séances de travail sur le sujet. Donc, il va y avoir cette proposition qui est dans le bon sens, qui va donner plus des outils un peu plus étoffés. Parce qu'aujourd'hui, les outils sont pas fameux aujourd'hui. Hein. On voit les municipalités, elles peuvent rien faire. Quoi. Je veux dire, quelque part. Là, il y a un article, il y a quelques jours, sur une problématique qu'il y a eu à Bellegarde, où les gens du voyage ont laissé un état des lieux absolument déplorable. Hein. Il y a même des mots que j'aurais jamais employés, moi, que la journaliste a écrit. Elle a été virulente là-dessus. Hein. Et je trouve qu'en définitive, elle a eu raison, en fait, parce que ça fait aussi prendre conscience à la population que le problème existe vraiment et que la problématique, elle est vachement... Pardon. Elle est... Comment dire? Elle est vraiment réelle, quoi. Elle est réelle, parce que c'est vrai que la communauté des gens du voyage... Alors, vous avez des communautés. J'en ai une qui est à côté de chez moi, où il y a deux familles. Ça se passe merveilleusement bien. C'est pour ça, oui. Tout est bien. Mm. Vous faites 500 mètres plus loin, où je ne sais pas, j'y suis pas tous les soirs, mais presque, où il y a de l'activité, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, je prends des pincettes en disant ça, mais c'est vrai que c'est un problème qui est énorme. Quoi. Oui. Les gens du voyage, c'est un gros, gros, gros, gros problème dans notre coin, dans notre région. Pourquoi ils sont privilégiés chez nous, je ne sais pas. Alors, comme je dis, c'est quand même un milieu attractif et ils y ont vu l'attractivité. C'est vrai qu'on parle de la problématique des gens du voyage, mais il y a des communautés avec qui ça se passe très bien. Oui. Et donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de mettre tout le monde dans le même sac. Oui, tout à fait. Oui. Alors qu'il y a des différences entre les communautés, les services de sécurité sont tout à fait au courant et ils peuvent identifier les typologies qui sont à problème et celles qui sont intégrés sans aucun souci. Aujourd'hui, moi, j'inciterais à demander aux gens d'éviter de prendre des emplois au noir pour faire du travail, parce que du coup, ça incite aussi à venir et puis à rester un peu dans l'illégalité. Pourtant, c'est pratique, hein, on va pouvoir couper ça et tout ça. Moi, j'inciterais vraiment à rester sur des entreprises reconnues qu'on paye normalement et voilà pour venir faire moins d'attractivité, parce que si on sait que si on peut venir ici pour faire des activités un peu illicites et puis qu'il y a finalement que la population y est ouverte, ça pose un peu problème. Elle est ouverte quelquefois, pardon de vous interrompre, mais vous savez, quelquefois ils agissent et puis après ils se font payer. Quelquefois, ils agissent, c'est-à-dire ils coupent la haie, oui. Puis après, ils se font payer. D'accord. Sans l'accord. Déjà vu ça. Ouais. Ils n'ont pas l'accord du propriétaire, mais bon, après, le propriétaire, comme il n'avait pas d'embêtement, on va dire, et, d'accord. Il est prêt à payer. Ok. Bon, il faut faire attention à ce genre de choses. Et c'est vrai que derrière, il faut que les services soient conscients que, une fois qu'une communauté s'en va, il y a celles qui ont bien respecté les lieux et puis celles qui laissent les détritus, qui pose problème. Donc, c'est un sujet compliqué, on le sait. Un autre sujet, alors celui-là, comme tous les sujets sont intéressants, mais on vous attend au studio, on va en profiter. Un sujet que vous regardez de près, un dossier que vous regardez de près, et pour cause, c'est la commune nouvelle. En 2020, il va y avoir des élections, et il y aura en principe une commune nouvelle, avec Bellegarde, évidemment, Lancran et Châtillon. C'est ça. Alors, vous rencontrez les élus régulièrement. Ce matin, vous étiez en mairie de Bellegarde. Vous en avez encore reparlé ou pas ? On en a encore reparlé, bien sûr. Oui, parce que aujourd'hui, il y a une dynamique. Le temps est resserré, puisque l'objectif, c'est 2019. Oui, moi, je suis vraiment en faveur de ces évolutions de communes pour qu'elles puissent se regrouper, qu'elles puissent mutualiser, qu'elles puissent s'organiser entre elles pour pouvoir justement avoir dégager les moyens nécessaires pour répondre à la population. En l'occurrence, on a un bassin ici qui est entre ces trois communes, donc Châtillon, Lancran et Bellegarde, qui fait sens dans sa géographie. Il y a une entente des élus, parce qu'il y a ça aussi, hein, l'entente politique est très très importante, où ils sont... Ils prennent vraiment le sujet très au sérieux et à bras-le-corps, avec un planning qui démontre aussi le sérieux qu'ils peuvent avoir et la volonté d'avancer et de vouloir faire aussi de Bellegarde une commune à l'échelle du département. Parce que c'est vrai que ça nous donnerait la troisième commune du département, c'était pas négligeable. On sera autour de 17 000 habitants. Alors Bellegarde est déjà la quatrième, mais comme je disais, quand on veut avoir un poids politique, on va avoir un poids politique par rapport à nos voisins, nos partenaires suisses ou savoyards, et de pouvoir afficher comme ça des communes qui se structurent et qui vont proposer du service et puis de l'accessibilité, c'est important. On n'en entend pas que du bien d'ailleurs, hein, de ce projet qui est déjà sur les rails, cette fusion entre Bellegarde, Confort, Châtillon, les habitants de Lancran, pardon. Lancran, oui, parce que j'essaie de poursuivre ma question, mais c'est vrai que les habitants n'y voient pas forcément d'un bon oeil, parce que ceux qui ne payent pas beaucoup d'impôts vont se dire, ils vont tout réajuster, on va payer l'eau au même prix, ça c'est la CCPB, on va payer les impôts, alors on va avoir une grosse augmentation, si on est tous au même niveau, moi je ne suis pas d'accord, enfin moi, pas moi, certains habitants qu'on entend comme ça en discutant, disent, c'est Bellegarde va récupérer de l'argent, et Châtillon va payer plus, Lancran va payer plus. Et... Alors c'est toujours un petit peu la crainte de l'évolution. C'est légitime d'ailleurs, Bellegarde. Oui, il faut les prendre en compte, et il faut pouvoir trouver une harmonisation où tout le monde y trouve son compte. Y trouver son compte, c'est peut-être effectivement pour certains de payer un petit peu plus, mais aussi finalement de bénéficier de, d'accès à des choses où il n'y avait pas avant. Et donc, voilà, et c'est vraiment aux élus et aux représentants chacun de son secteur de faire valoir ces arguments pour trouver le meilleur compromis. Et je pense qu'au final, tout le monde y est gagnant. Qui va être le maire de cette super commune ? Ouh, il y a des élections qui vont arriver moi, en 2020, c'est vrai. Enfin, je vais pas vous demander des pronostics. Des pronostics, mais bon, je sais pas, vous pensez peut-être à quelqu'un en particulier ou pas ? Non. Alors, je demande pas de lui dire son nom. Hein, c'est... Non, il y a pas de nom. Il y a des élections, donc toute élections, bonne volonté va pouvoir s'afficher et défendre un programme. Moi, je suis quand même pour une certaine continuité, c'est-à-dire que s'il y a une décision qui est prise à un moment donné, même si on apporte des ajustements, que l'équipe suivante, que ce soit la même ou une différente, puisse aller dans le même sens. Mais je ne ferai pas forcément de pronostic. Je pense qu'il y a un gros challenge quand même, c'est que d'ici à 2019 et ensuite entre 2019 et 2020, c'est que si le projet paraît aux yeux de la population viable et que tout le monde y trouve son compte, comme je pouvais dire, bon, bah voilà, il y a forcément une influence qui va se faire au niveau des votes. Vous savez, les Bellegardiens, ils sont tous favorables, hein. Je parle des Bellegardiens. Ah oui, parce que ils ont de la fusion définitive. C'est... Non, mais je veux dire, c'est dans le bon sens. C'est... Il faut aussi réfléchir, pas réfléchir jusqu'au bout de son nez. Quoi. Je veux dire, faut aller plus loin que ça. Faut regarder. Effectivement, vous avez évoqué le fait de pouvoir profiter de structures dont ils profitent aujourd'hui. Alors d'aucuns diront, ah oui, mais par exemple à la musique, au lieu de payer 100 €, nous on en paye 120. Oui, non, mais sauf que les 120 € qu'ils payent, c'est pas signifiant, quoi, parce que ça coûte bien plus cher que ça, en définitive. Pour les Bellegardiens, je parle, hein. Oui. Pas forcément pour celles et ceux qui n'habitent pas Bellegarde. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi essayer de se poser et puis dire, voilà, quoi. On est dans un bassin de vie, on vit tous ensemble, on se côtoie, tout le monde se côtoie. Les trois quarts des gens viennent faire les cours sur Bellegarde. Je veux dire, à un moment donné, Oui, ça peut. C'est la normalité de la chose. Ça fait sens. On voit également qu'au niveau des structures qui sont installées, typiquement le village de Marc, typiquement la clinique psychiatrique, bon, bah, c'est en cohérence entre ces communes-là. Donc, d'avoir une restructuration qui pourrait venir faire des économies, et là, c'est entre les mains des élus locaux de justement faire réussir ce projet, de pouvoir décupler les possibles qui sont pour cette commune nouvelle. Mais si les trois partenaires qui sont aujourd'hui dans cet état d'esprit se sont consultés et qui ont, je pense qu'ils ont dû quand même discuter entre eux pour en arriver à cette proposition de commune nouvelle, je pense que ce sont des gens qui sont responsables, d'une part. Alors après, encore une fois, on peut être pour ou contre Pierre, Paul ou Jacques, hein, c'est pas le problème, il est pas là. Mais à un moment donné, faut prendre la décision de la raison, en définitive, oui. C'est ça. Et reconnaître le pragmatisme, voilà. La concertation, voilà. Les volontés. Voilà. Et moi, je pense que le pire qui peut arriver, c'est le statu quo. Il faut avancer et puis ajuster après au gré des besoins, parce qu'on n'a jamais la science infuse. Hein. On ne va pas dire ça va se passer comme ça et ça va être génial. Mais d'être assez flexible et ouvert à la population pour entendre les désidératas de chacun et les faire travailler ensemble au mieux. Même s'il y a un peu d'impopularité, quoi, forcément, parce que tout le monde ne peut pas satisfaire 100% de population sur certaines décisions. Ouais, oui, et puis chacun peut changer d'avis. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et puis au gré des conversations, on a des points de vue différents. Et c'est ça la force aussi du débat démocratique. Mm-hmm. C'est de pouvoir influer sur les raisons de pourquoi on fait les choses. Vous savez, dans le bassin bellegardien, je crois, 17, combien de communes dans la communauté de communes, Robert? Elles sont 15, je crois. 15. Les 15 communes, moi, je les verrais bien toutes ensemble. Oui. Non, mais pourquoi je dis ça? Encore une fois, parce que, alors, on a eu quelques maires hein, qui sont passés à votre place là, ces derniers temps, où la question est inévitablement posée, bien sûr. Alors, quels sont les retours? Ouais, bon, il y en a qui... Ah, non, disons que c'est encore pas acquis. pour les maires des petites communes des environs, c'est pas vraiment acquis. Ce que je trouve dommage, il y a peut-être aussi cette peur de se faire manger mais c'est exactement la raison. Mais il y a des maires comme Henri Caléroux, le maire de Chanet, qui lui a cette vision. Il se rend bien compte aujourd'hui que sa petite commune, elle ne pourra pas continuer comme ça. Des tentatives avortées, Olga. Il a essayé à plusieurs reprises. Oui, je sais bien. On n'a jamais autant de temps de chance de réussir que quand on réessaye. Oui, non, parce que le temps évolue, on change d'idée, les besoins évoluent, et puis un jour ce sera le moment, et puis ça se fera. Mais il faut toujours se recréer l'opportunité. Il faut pas, parce que 10 ans en avant on a dit non, c'était pas possible, que 10 ans après on n'a pas les mêmes personnes, on n'a pas la même typologie de population, comme vu l'évolution qu'on a sur ce secteur. Et donc, il faut toujours reposer la question. Et je pense que c'est aussi le rôle du politique de rabâcher et de reposer la question et de remettre en question et de se dire comment est-ce qu'on avance. On a l'impression d'être aussi beaucoup en transition. Et pour le coup, quand je vois les fonctionnaires territoriaux, les conditions dans lesquelles ils travaillent, dans cette mouvance continuelle, je salue leur travail et leur adaptation. Mais il y a un besoin. Hein, les collectivités sont des grosses machines. Finalement, mais elles sont comme tout un chacun confrontées au besoin de s'adapter à son environnement et son contexte pour survivre. En tout cas, j'étais en train de penser à justement parler de communes ou de fusion de communes. Il y a des mairies où il y a des communes tellement elles sont riches que jamais ça n'arrivera une fusion. Je pense à un jour j'ai initié à Olmer Albert Cochet. Ça c'est Niette de chez Niette. Hors de question qu'on fusionne demain. Il l'a dit au vœu. Oui, je sais. Eux, ils ne vont jamais fusionner avec qui que ce soit. Hein. Ah bah, parce que l'argent, il y en a là-bas. On peut pas dire jamais. Non, faut jamais dire jamais. Ouais. Mais tant que l'argent tombe dans les caisses, avec le barrage, faut être clair. Bon, oui, bah, voilà. Pour le coup, si on dit, il ne faut jamais dire fontaine avec le barrage. Voilà, c'est ça. Ne jamais dire ça. Tant qu'Albert Cochet, en tout cas, sera à la tête de cette commune, on va pas parler de fusion. Hein. Il y a un temps pour tout. Après, si ça marche pas dans un sens, il faut pouvoir s'ouvrir dans un autre sens. Donc aujourd'hui, c'est trois communes qui ont décidé de se constituer en communes nouvelles. Les autres communes regardent aussi, hein, parce que faut pas croire, hein, ça interpelle, ça intéresse. On a beau rester sur ces positions, on va regarder quelle est la réussite de ce projet. Et puis garder quand même aussi cette vision intercommunale. Pour le coup, on a la question de l'assainissement qui a été évoqué tout à l'heure, avec cette prise de compétence de la communauté de communes. Moi, je suis pour, je l'accompagne, même si au niveau de l'Assemblée nationale, on a laissé une espèce de flexibilité, mais ça ne veut pas dire que ça devient optionnel du tout. Hein, c'est une compétence obligatoire. Pour moi, l'eau est un bien commun et il faut pouvoir assurer une équité entre les territoires dans son accès à l'eau, dans l'assainissement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des communes qui sont dans des difficultés, et des fois elles sont réticentes à transférer la compétence, mais qui n'apportent plus le service nécessaire ou même que le service n'est pas reconnu comme il faudrait au niveau des habitants. C'est compliqué de faire de la politique finalement, parce que c'est de la politique, hein, quelle qu'elle soit sociale, qu'elle soit conventionnelle, c'est difficile. Comment vous trouvez-vous depuis presque un an que vous êtes élu aujourd'hui par le peuple, hein? Au niveau national, mais j'ai été élue locale aussi depuis 2014 sur les sujets. Oui, mais ce n'est pas les mêmes fonctions. C'est pas tout à fait pareil, mais ça m'a beaucoup appris. Oui, bien évidemment, ça vous a mis un peu le pied à l'étrier pour pouvoir effectivement bondir. Mais vous le ressentez comment, vous, aujourd'hui, ça ? Alors moi, je suis passionnée. c'est vraiment passionnant de pouvoir s'impliquer comme ça dans les décisions, dans les processus d'identification des besoins pour justement avoir une communauté au sens large qui avance, qui propose de la formation, de l'éducation à ces jeunes, qui propose du logement approprié, qui donne la possibilité à chacun finalement de pouvoir vivre dans une société à sa place. Et ça, c'est vraiment ce qui me pousse. Mais est-ce qu'on se sent pas, quand on exerce un mandat local sur une commune, on agit, ça se voit, c'est palpable. Quand on est à la députation, on est loin du peuple, non ? On se sent pas un peu impuissant ou impuissante ? Alors pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout cette impression. Alors d'une part parce que j'essaie vraiment d'équilibrer mon temps entre le temps que je passe à Paris, qui est quand même chaque semaine, hein, mais je fais en général 3 jours, donc du mardi matin et je reviens le jeudi. Et puis le reste de ma semaine où j'arpente finalement ma circonscription pour aller à la rencontre des acteurs locaux. Et la région ? Et la région également, mais là, pour le coup, on a un peu moins de sessions que ce qui peut se faire au niveau national. Et tout ça est finalement très, très complémentaire, parce que comment est-ce qu'on pourrait aller prendre des décisions au niveau national si on n'a pas déjà un ressenti du terrain et de venir confronter les débats qu'on a au niveau national entre des territoires qui sont divers, donc forcément, on n'a pas tous la même vision. Et puis les propositions, de venir les reconfronter localement pour faire avancer le sujet. Donc je pense que le lien est très très important. Après, la décision, elle se fait de manière collective. Donc c'est vrai que des fois, on arrive un petit peu à influencer. Et puis sur d'autres sujets, ben on vient carrément faire un contrepoids. Alors il y a toujours le collectif qui l'emporte, c'est pas un problème. Mais moi, je me sens utile dans ce contrepoids que je peux faire sur certains sujet. Typiquement, l'eau et l'assainissement, il a été choisi de donner plus de flexibilité via une minorité de blocage qui se ferait au sein d'un conseil jusqu'à 2026. Moi, j'y étais contre parce que ça a amené plus de confusion qu'autre chose, alors que la tendance, elle est d'avancer. Donc, j'y participais dans le débat en disant, ok, mais comment on se retrouve pas en 2026 avec les mêmes considérations ? Finalement, de se dire, ben, circuler pour mieux sauter. Donc voilà, on restera vigilant sur le sujet, les débats se referont et puis on va avancer. Le temps politique est long, il est court et il est long, c'est très intéressant parce qu'il est long dans la décision, puis des fois la décision, une fois qu'elle est prise, il faut aller très vite. C'est ce qui se passe au niveau national quand on a porté un programme et donc du coup on a la responsabilité de le mettre en œuvre dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, parce que derrière, l'attente, c'est les résultats. C'est l'objectif qui est visé. Et il faut pouvoir prouver qu'on a atteint l'objectif. Vous n'avez pas l'impression que le gouvernement aujourd'hui est très contesté par rapport à toutes les décisions qu'il essaye à tous ces chantiers qu'il essaye de mettre en place ? On évoquait tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie que la baignoire était pleine et que la mousse commençait à en sortir. Ça mousse sérieusement en ce moment. Hein. Oui, on a. Il y a eu ce problème. Il y a eu cette journée de grève par rapport. Encore une fois, à la réforme de la SNCF. Oui, bon, il y a la SNCF, mais c'est un peu tout parce qu'en définitive, on met le dossier SNCF. Si je devais donner mon avis personnel, strictement personnel, je trouve que la manière dont la chose est menée, elle n'est pas très correcte. Je trouve que on met les gens les uns contre les autres pour régner. En fait, moi, c'est le ressenti que j'ai. Pourquoi on va accuser la SNCF alors que c'est une structure qui... la bataille du rail, encore une fois, vous allez dire que je suis vieux. Oui, j'ai 71 ans. Mais enfin, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de nous faire croire que la SNCF, elle a des privilèges, quoi. On n'est pas du tout sur accuser la SNCF. Le statut de la SNCF, il est en train de vouloir changer pour les nouveaux. Faudra m'expliquer et j'en arrêterai là. Ouais. Faudra m'expliquer. Aujourd'hui, on reproche à la SNCF quoi ? La dette, des centaines de millions de dettes. Mais cette dette que la SNCF a contractée, c'est quoi ? C'est les lignes TGV, c'est desservir les métropoles, c'est desservir les grandes villes, c'est desservir les grands axes. Dont je suis tout à fait d'accord. On est bien d'accord. Oui, parce qu'il faut pouvoir après... Et demain, on va donner ça à des sociétés privées. Alors que le... Si, c'est un petit peu ça. On va donner ça à des sociétés privées qui vont se concurrencer et qui vont prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. Alors, ce qui est bon, ça va leur apporter de l'argent, hein, qui n'investiront pas dans ce qui a été fait dans les structures de la SNCF parce qu'il va falloir un jour ou l'autre remoderniser tout ça. Comment que ça va se marrer? Ça va fonctionner comment tout ça? Alors, la réforme de la SNCF, c'est premièrement une réforme d'une entreprise. Oui, voilà. Je veux bien comprendre la réforme. C'est la réforme d'une entreprise et on prend chaque point et chaque constat de dysfonctionnement. Bien évidemment, on va considérer qu'il y a des décisions qui n'ont pas été prises par le passé et qu'aujourd'hui, on est un petit peu acculé pour les prendre, mais il va falloir les prendre. Et donc, c'est une globalité. Aujourd'hui, on a les usagers et on a derrière, est-ce qu'on est satisfait du service public qui est fait ou pas? Est-ce qu'on est capable de dégager les masses financières pour continuer les investissements et maintenir aussi notre réseau ou pas? Et au vu de ce constat, c'est comment est-ce qu'on se restructure pour le faire? Toutes les entreprises le font, que ce soit une entreprise d'État ou que ce soit une entreprise qui soit dans le privé. Et aujourd'hui, le débat qui est fait, c'est pas du tout d'accuser la SNCF, mais c'est de pouvoir amener des changements. Et comme on disait tout à l'heure, des fois, les changements et l'évolution sont très mal pris. Donc, dans ces changements, il y a également le statut des cheminots qui est à revoir. Et nous, on l'avait porté au niveau de la campagne, au niveau des retraites, en disant on ne veut plus de régime spécifique au niveau des retraites. Et les Français ont adhéré à ce constat. Aujourd'hui, il est vraiment compliqué financièrement de pouvoir se permettre autant de régimes spécifiques. Donc, on rentre dans une concertation, on est rentré dans un processus pour justement faire une réforme générale de la SNCF. Il y a un mouvement de grève que je ne renie pas du tout. Hein, je le dis, je suis pour le droit de grève, c'est un droit acquis, il n'y a pas de souci. Il doit s'intégrer dans une action qui est faite de la part des représentants syndicaux pour justement faire avancer le débat. Parce que sinon, vis-à-vis de la population, on a toujours un peu l'impression que c'est un blocage. Et aujourd'hui, le processus qui est proposé via les ordonnances, parce que c'est via des ordonnances pour avoir une mise en place rapide, c'est d'avoir en parallèle cette concertation qui se fait avec l'ensemble des partenaires. Les ordonnances, moi, c'est un processus que je trouve très bien, en tout cas très adapté à ce type de réforme importante, comme elles ont été utilisées pour la réforme du travail, parce que les ordonnances permettent une première fois de passer au niveau de l'Assemblée pour définir un cadre. Donc, c'est-à-dire, on tombe d'accord de manière générale sur telle et telle disposition. On laisse au gouvernement la possibilité de mettre en œuvre dans le cadre qui a été défini, avec les ajustements nécessaires grâce aux concertations, grâce à l'expérience, au retour d'expérience. Et puis derrière, nous, de relégiférer pour finalement figer le processus qui a été identifié comme étant le meilleur. Et dans tout ce processus-là, il y a bien évidemment les discussions, les concertations, les auditions que nous menons également à l'Assemblée, puisque nous recevons les partenaires, et puis les actions qui peuvent être faites de manière médiatique ou au niveau des grèves également. Mais je pense que vis-à-vis de la population, nous avons une responsabilité commune avec l'ensemble des représentants, que ce soit politiques, syndicaux, patronaux, d'avoir une cohérence dans le processus pour démontrer que on continue d'avancer et qu'on va réussir à arriver à un accord qui ne soit pas du vide, parce que c'est un peu toujours ça, il y a des émulsions qui se font et puis derrière on tombe avec un truc qui finalement est mi figue mi raisin et qui n'aboutit pas à l'objectif. Donc Emmanuel Macron avait pendant toute sa campagne voulu remettre les parlementaires et l'Assemblée nationale aussi en charge du contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques. C'est ce que je fais au travers de mon comité d'évaluation et de contrôle. Donc ça veut dire aussi que en amont on a quand même une responsabilité de ne pas pondre une coquille vide et d'avoir réellement une cohérence et un équilibre dans ce qui va être fait. Alors c'est aujourd'hui un processus qui est un petit peu mouvementé. Moi je le trouve sain si on arrive à avancer. Le problème c'est que quand on invite des personnes à s'asseoir à une table pour venir discuter et qu'ils ne veulent pas, et c'est ce qui a pu se passer avec certains partenaires syndicaux, et ben là ça devient compliqué de travailler ensemble. Parce qu'ils ne veulent pas que ça bouge du tout quoi. Finalement voilà, c'est ça. Il y a un blocage total. Ouais. Et puis moi je vais vous dire, je suis d'une génération, j'ai 36 ans, j'ai l'impression que d'avoir toujours entendu parler de la SNCF et des problématiques de la SNCF. Donc c'est vrai que pour ma génération, on commence à se dire, c'est gentil, mais ça existait même avant que je sois née. Voilà, donc au fur et à mesure, il faut intégrer la population et les usagers dans ce processus et qu'ils puissent comprendre. Et c'est notre rôle en tant que politique, mais je pense aussi qu'en tant que représentant des syndicats ou autres, ils ont aussi ce devoir de donner du sens à l'action qu'ils mènent. Vous savez, pardon Robert. Non. J'ai énormément de respect pour des gens comme vous. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai du respect pour les gens qui sont. Non, mais je dis pas ça pour me faire mousser ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est un sentiment qui m'est très personnel, mais en plus j'y crois fermement. Les gens comme vous qui ont été élus par le peuple près de chez vous. Le slogan de la radio, hein. Eh bien, ces gens-là, moi, je les admire. Parce que je suis sûr de leurs compétences et je suis sûr de leur engagement. Le problème que j'ai, moi, c'est avec ceux qui sont là-haut, ceux qui sont sur Paris. Ces gens-là, voyez-vous, moi, je les vois pas du tout de la même manière. Alors, je suis pas un révolutionnaire, hein. Moi, que ce soit droite, gauche, machin, bidule, rien à faire, très sincèrement. Parce que j'ai des amis d'un côté comme de l'autre. Tout à fait. Ça permet de s'ouvrir. On s'entend très bien. Je remarque deux choses. C'est que quand on essaye de forcer un peu la main aux gens en faisant passer des ordonnances, comme vous le dites, de manière un peu abusive par rapport à la concertation qu'on peut avoir avec les partenaires sociaux, je prends exemple sur Sarkozy, je prends exemple sur Hollande, les deux prédécesseurs à Macron, ils se sont tous les deux fait ramasser. Tous les deux. Il n'y en a pas un qui a passé, aussi bien Sarko que Hollande, ils ont passé des ordonnances, ils les ont passées en force, ça a passé, ça a fait des mécontents, mais ils s'en foutent. Paraît-il que ce n'est pas la rue qui commande. D'accord, mais la rue, elle est quand même là, et elle travaille tous les jours, elle. Je ne dis pas que les autres ne font rien, ce n'est pas ça que je dis. Mais quelque part, il faut quand même prendre en considération aussi ce que les gens ont. Et c'est là où j'ai le doute, c'est que... ces politiciens, parce que la politique, ça devient un métier aujourd'hui. C'est un peu dommage. Je ne parle pas de vous. On a eu un renouvellement, puis je vous expliquerai après. Je parle pas des gens comme vous, des gens qui sont du terrain et qui apportent énormément de choses. Le problème, c'est que vous n'êtes pas toujours écoutés. Alors, comme je disais, on s'inscrit dans un collectif. Pour le renouvellement qui s'est fait quand même au niveau des dernières élections et des parlementaires, il y a quand même beaucoup de gens comme moi. Enfin, je me reconnais dans les personnes que je trouve d'autres territoires. Et même au niveau du gouvernement, quand on regarde le nouveau gouvernement, il y a des personnes d'expérience, mais il y a aussi beaucoup de personnes de la société civile qui ont pris des sujets, qui sont experts et qui viennent pour la mise en œuvre. J'aime bien rappeler le fonctionnement, c'est que les parlementaires, donc au travers des deux chambres du Sénat et de l'Assemblée nationale, sont là pour faire le législatif et le gouvernement et l'exécutif. Alors, dans notre 5e République, finalement, le gouvernement propose les lois et puis il y a un débat qui se fait. Mais on est quand même deux entités bien distinctes. Et on arrive très bien à faire la différence. Et je pense qu'au niveau de ce renouvellement, déjà, et qu'il faudra pouvoir perpétuer, on va arriver à avoir peut-être à regagner la confiance de la population. Qu'on n'est pas que des gens de Paris. Mais c'est vrai, moi, je connaissais quelqu'un avec qui je m'entendais très bien et que je m'entends toujours très bien. Mais il dit, ah, mais vous, maintenant, à Paris. Alors, oui, c'est pas parce que je prends le train pour aller à Paris chaque semaine que je suis devenue complètement parisienne. Mais on a des interactions où il faut prendre en compte, il faut effectivement prendre en compte toutes les diversités qu'il peut y avoir sur les territoires en France. On a cette richesse et on essaye aussi d'avoir une harmonisation parce que l'intérêt, c'est d'avoir une équité sur tout le territoire et de s'assurer qu'on n'a pas des territoires qui sont complètement dépourvus. On le sait aujourd'hui, quand on a des zones rurales, et ben c'est sur celles-ci qu'il faut mettre plus d'efforts, même s'il y a moins d'habitants. Et ben c'est les besoins qui sont faits, les arbitrages. Donc moi, j'ai tout à fait confiance dans la façon dont ça se passe. Je pense qu'au niveau du processus des ordonnances, c'est un processus qui est un petit peu plus moderne et un certain nombre de personnes le comprennent. Peut-être ceux qui étaient plus habitués à l'ancien monde le comprennent plus difficilement. De toute manière, on n'est pas là pour faire du calcul personnel, d'intérêt personnel pour la suite, mais voilà, mettre en place le programme, garder les engagements que nous avons eus. Et à la fin, on nous jugera dessus. Et puis, comme je dis, il y aura une évaluation de toute manière par la rue, mais surtout par la population. La population, c'est aussi quelque part la rue. Hein. Il n'y avait pas toute la population dans la rue. En termes de représentation, je vous le concède. Je suis pas non plus forcément pour les grèves. Hein. Quand on peut trouver les solutions ailleurs que par la grève, c'est pas plus mal. Mais il faut que ce soit la bonne solution, quoi, pour tout le monde. En fait. C'est ça. Il faut que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Il y a un temps pour accepter, pour digérer, pour aussi remettre sur la table et surtout ne se bloquer aucune possibilité. Mais moi, je trouve quand même que la possibilité du blocage et du ne rien faire, c'est la pire. Oui, voilà. Peut-être. Moi, je voudrais j'ai encore une ou deux questions parce que le temps passe vite et vous avez encore d'autres obligations derrière. Oui. Je vous ai entendu tout à l'heure, mais vous parlez très vite, vous dites un nombre de choses incroyables. Je sais plus de quoi on parlait. En tout cas, c'était un sujet économique et qui touche le bassin belgardien. Vous avez dit oui, clinique installée, village des Alpes installé. Et ça m'a un petit peu interloqué. Village des Alpes installé. Vous êtes sûr qu'il va se faire ce village? Le village des Alpes, je dis des Alpes, mais c'est le village. Et je me dis, bon Dieu. J'ai vu dans le journal, ça y est, super, belle photo. Faut pas croire que c'est marqué dans les journaux. Faut pas croire les médias. J'ai pas plus d'infos que ça. Parce que c'est vrai que bon, en principe, il devrait se faire. Moi, j'ai quand même l'impression, pas qu'on nous cache des infos, mais que le groupe investisseur, c'est Naver. Je sais pas. Je vous donne d'autres petites informations, mais en principe, ça devrait se faire. Pour le coup, moi, je reste sur l'idée qu'aujourd'hui, on est sur une avancée. Alors, c'est comme dans tout projet, il peut y avoir des hauts et des bas. Et encore une fois, c'est le collectif et la volonté qui mènera à bien ou pas le projet. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance dans les personnalités qui sont en charge du projet pour le mener à bien. Et je pense que c'est ça aussi, hein, quand on parlait de savoir si quelque chose va marcher, on s'en remet toujours à la personne qui nous représente et qui est décideur finalement, et est-ce qu'on a confiance ou pas en cette personne. Et je pense que c'est là le plus important. Olga Givierna, il y a une manifestation qui a été annulée, pas une grève, c'est une marche pour l'Europe et pour cause. Hier soir, les événements dramatiques font que La République En Marche a annulé cette marche pour l'Europe. Oui. C'était quoi au départ, en quelques mots, cette marche pour l'Europe? C'est un événement national, une mobilisation de l'ensemble des militants du mouvement La République En Marche en faveur de l'Europe, et ça consistait en fait à se retrouver dans chaque ville et d'organiser des porte-à-porte pour aller au contact de la population et avoir un échange au travers de questionnaires pour avoir le ressenti de la population sur l'Europe. Nous sommes très européistes et nous portons cette valeur. Donc le but, c'est de rester en contact sur ce sujet qui va être d'actualité dans une année puisque nous allons avoir les élections européennes. Ce que nous voudrions, c'est que ce soit vraiment des élections européennes, c'est-à-dire sur un sujet européen, un programme européen, et que ce ne soit pas simplement un vote national parce qu'on a trouvé la politique nationale ou pas. Donc c'est vraiment remettre le sujet sur la table pour toute la population, que chacun puisse se l'approprier et puisse se positionner sur ce sujet-là en particulier. J'ai la réponse. Alors voilà. On l'a malheureusement annulé pour les épisodes malheureux d'hier. C'est un événement qui doit durer sur plusieurs jours, deux semaines, il me semble. Donc ça va être reporté, mais on le fera de toute manière. Il y a une forte mobilisation par chez nous sur l'Europe et ses besoins. D'ailleurs, dans le contexte que nous pouvons avoir avec le Brexit, il est important. Et je pense que ça a ramené beaucoup de personnes dans le sujet pour s'investir. Encore une question. Il y a quoi sur votre agenda aujourd'hui, si c'est pas trop indiscret? Alors, sur mon agenda, je vais à une inauguration du gymnase à Saint-Genis-Pouilly, qui est un nouveau gymnase. Encore une fois, voilà, une politique volontaire qui permet d'anticiper les besoins et de développer les infrastructures. Et puis après, là, pour la journée, après, c'est fini, je rentre chez moi, je vais voir mes enfants parce que je suis partie lundi et je suis revenue hier soir tard dans la soirée, donc je les ai à peine vus ce matin pour le petit déjeuner, mais voilà, nous garder un peu trop. De temps. Ah, c'est pas simple, il faut s'organiser et puis voilà. Et vous avez un mari formidable. C'est ce que vous avez dit une fois. C'est vrai, et ben je le redis. Alors, j'ai un mari formidable et qui est bien évidemment présent. On dit que derrière chaque homme, il y a une femme, mais je pense que aussi derrière chaque femme, il y a un homme, ou derrière chaque femme, il y a une femme ou un homme. Enfin bon, tout est possible, mais c'est pas une expérience qu'on peut faire tout seul. Il y a la famille bien sûr, derrière. Bien sûr. Vous avez raison, mais nous aussi, hein, on est dans votre cas. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup. Alors voilà, il y a beaucoup de gens qui s'investissent énormément dans leur profession, et je trouve que, enfin, juste pour conclure, quand j'ai commencé la politique en France, je me suis dit il y a une énergie folle dans les Français, et c'est là qu'est venue la volonté de pouvoir libérer, que chacun puisse s'épanouir dans son activité, et surtout de pouvoir en vivre, parce que la question après derrière, c'est est-ce qu'on arrive à en vivre correctement avec les revenus. Vous ne vous entendiez pas un tel agenda là, quand vous avez été élu, bon. On ne sait pas ce que c'est qu'être député. Quand vous avez commencé à mettre les pieds à l'Assemblée et que vous avez regardé votre agenda, vous avez dit quoi ? Oui, bah j'ai arrêté de le regarder. Je l'ai donné à mes collaborateurs. Et puis, c'est eux qui me disent, faut être là, faut être là, faut être là. Et quand j'en peux plus, je dis, bon, bah là, stop. Là, okay. Et là, il faut qu'on y aille. Merci, Olga Givernet. Vous étiez notre invitée, députée de la 3e circonscription. Voilà pour cette émission qu'on va retrouver en podcast sur notre antenne. Merci d'avoir Merci pris à de vous. Votre temps, à votre collaborateur qui vous a amené ici. Hein, voilà, qui va me ramener après. Ouais, puis en c'est tout cas, lui qui dit la montre, là, c'est lui qui fait les signes. Hein. C'est ça, oui. Et je vous remercie beaucoup pour l'invitation et au plaisir de revenir pour échanger avec vous sur ces sujets-là, pour voir comment ils ont évolué ou pour d'autres sujets qui seront amenés à venir à nous. Merci infiniment. On vous souhaite en tout cas d'avoir toujours cette verve. Merci beaucoup. Merci Guy. Et Michel qui a réalisé cette émission. On se quitte en musique avec le générique. À très très bientôt sur cette antenne. Merci encore. We'll be right back.